À présent, nous allons passer à une autre formule qui est la boîte à questions. Donc, je vous rappelle un petit peu le principe. Donc, c'est des questions que le public a posées, soit via le site internet, soit directement dans une petite boîte à questions sur des papiers en fait. Et donc, vous êtes tous et toutes invités à y participer. Donc, vous posez une question, nous on n'y répond pas, c'est tout le monde qui répond ensemble. Donc, dans un premier temps, on vous demande de tirer une question au hasard. On la lit, on vous demande si vous voulez la traiter ou pas, et ensuite bah, tout le monde est invité à y répondre. Alors, donc voici la boîte à questions. Est-ce qu'il y aurait un volontaire pour tirer une question et la lire? Voilà, pour commencer le débat. Expliquer, c'est garder le pouvoir, point d'interrogation. Merci. Alors, donc je répète la question. Expliquer, est-ce garder le pouvoir? Voilà, est-ce que quelqu'un voudrait commencer à intervenir sur un sujet pareil? Je disais, une chose est sûre, c'est que ne pas l'expliquer fait perdre le pouvoir. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir sur ça? Une remarque peut-être? C'est peut-être une... Oui. Bah, je dirais dans tous les cas, il y a quand même dans l'information... Alors il y a l'information et il y a l'explication. L'information, ça peut être des données comme ça qui sont diffusées, mais à partir du moment où on explique, il me semble qu'on s'appuie sur une théorie, ou en tout cas on s'appuie sur une certaine réflexion qui oriente du coup la pensée. Et donc, à partir de là, on va plus ou moins convaincre la personne qui est en face de soi. Et d'une certaine façon, à partir du moment où il y a une explication, soit la personne est convaincue, soit elle ne l'est pas, mais ça l'entraîne du coup à penser d'une certaine façon. Donc il me semble que oui, c'est quand même une modalité de pouvoir assez importante. Qu'elle soit d'ailleurs ou pas associée à un réel savoir. Parce qu'on peut expliquer quelque chose sans s'appuyer sur un savoir, tout simplement parce que c'est des choses qu'on... Soit qu'on a imaginé, qu'on a construite, ou même tout simplement pour pousser l'autre à faire quelque chose, on peut lui expliquer que, je pense notamment l'utilisation du scientifiquement prouvé, enfin voilà, on pourrait expliquer que quelque chose profondément malsain est finalement bon pour la santé, on pourrait l'expliquer finalement, alors que ce serait totalement faux. Mais du coup, ça a quand même un enjeu de pouvoir derrière, il me semble. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Moi, je voudrais déjà dire, le pouvoir, c'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi. C'est bien de pouvoir faire quelque chose. Mais ça, à mon avis, ça devient mauvais en particulier dans le domaine scolaire, où il faudrait jamais donner d'explications aux enfants avant 7 ans. C'est les laisser découvrir, les laisser chercher, se faire des idées, même si elles sont fausses, c'est pas grave. Ils vont s'apercevoir d'eux-mêmes si c'est pas juste ou si c'est juste. Et à ce moment-là, ils vont eux-mêmes développer leur propre pouvoir, qu'ils pourront exercer ensuite. Et à ce moment-là, c'est du bon pouvoir. Mais du coup, en fait, les enfants sont connus pour poser beaucoup de questions et pour demander des explications aussi. Donc, est-ce qu'on n'est pas, comment dire, dans la fatalité, en fait, de devoir leur expliquer le monde avec nos prérequis? Enfin, c'est une longue discussion, mais d'après mon expérience, mais il n'y a pas que moi, c'est les enfants, quand ils posent des questions, ils demandent pourquoi. Pourquoi il y a des arbres? Pourquoi il y a le ciel? Et pourquoi la terre, elle est marron? T'as des réponses, toi? Non, on leur répond toujours comment. Comment ça marche? Comment c'est fait? Et on explique. Et c'est pas ça qu'ils demandent. C'est pas ça qu'ils veulent. C'est justement les laisser s'exprimer, les laisser chercher des pourquoi. Moi, je me rappelle une émission de télé soi-disant scientifique. Il y avait beaucoup d'enfants avec deux scientifiques pour expliquer les choses. Et les enfants, ils disaient, pourquoi que, et pourquoi que, et pourquoi que. Stop, stop, stop. Pas de pourquoi. Des comment tant que vous voulez, mais pas de pourquoi. Je crois que ça, c'est important. On serait pas si mal foutu si on arrêtait d'expliquer des comment, toujours des comment, des comment ça marche, des comment c'est fait, etc. C'est pas ça le problème. Moi, je voulais revenir peut-être sur donc cette question par rapport au pouvoir politique ou économique. Justement, est-ce que essayer d'expliquer et donc parce que souvent expliquer c'est justifier. Donc, est-ce que en essayant d'expliquer ou de justifier, par exemple dans le système dans lequel on vit, donc je sais pas la démocratie représentative ou l'économie capitaliste, est-ce que voilà le fait de vouloir expliquer en même temps, on veut justifier ce système et donc du coup le maintenir en fait. Voilà, c'est peut-être une piste. Alors moi j'ai l'impression que la justification arrive une fois que l'explication ne marche plus, d'une certaine façon. Et donc du coup ce serait en effet quand on commence à être dans la justification. Et là, je voulais partir de l'expression qui existe parce que quand on pense expliquer, souvent on imagine que quelqu'un explique à quelqu'un d'autre. Et il y a quand même une expression qui est « bon, viens on va s'expliquer ». Et je trouve que ce qui est très intéressant dans cette expression, c'est qu'en fait là il y a deux personnes qui partent d'une expérience différente d'un même état ou de, enfin qui ont des ressentis différents, je voudrais dire plutôt d'une même expérience, et qui du coup en exprimant chacun la façon dont ils l'ont vécu, vont réussir à donner une explication qui va les convaincre tous les deux. Et donc là du coup c'est s'expliquer, ça, c'est pas le même rapport que expliquer quelque chose à quelqu'un qui suppose qu'il y en a un qui a un savoir qui serait supérieur à l'autre, ou en tout cas que l'autre devrait récupérer ce savoir avec l'explication. Et en même temps, l'explication suppose que en face il puisse y avoir des questions qui la remettent en cause. Donc en fait, j'ouvre des trucs, je ne dis rien. Oui, en fait, la différence entre s'expliquer mutuellement et expliquer quelque chose, c'est le côté unilatéral d'expliquer quelque chose. C'est-à-dire que M. Valls peut nous expliquer plein de choses, par exemple, sans attendre de réponse forcément. C'est un exemple parmi d'autres. Et effectivement, quand on se parle, on s'explique. Mais peut-être qu'on s'explique aussi... Enfin, il y a différentes... Enfin, l'horizon d'attente peut être différent. C'est-à-dire qu'on peut s'expliquer, effectivement, pour arriver à un troisième terme qui englobe les deux premiers et qui fait un produit où on arrive à dépasser, en fait, l'antagonisme. Et puis après, ça peut être expliqué pour convaincre. C'est l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, etc. C'est vraiment la rhétorique qui va faire en sorte qu'on va essayer de contrôler les représentations, contrôler l'interprétation du réel pour essayer de convaincre l'autre, quoi. Donc, voilà. Enfin, il y a des cas de figure comme ça. Donc, effectivement, expliquer peut être un enjeu de pouvoir. Ça peut être aussi un enjeu d'ouverture et de communion, quelque part. Enfin, peut-être le mot est fort, mais... Ouais, je vais continuer, mais s'il y en a d'autres que ça intéresse. À mon époque, quand on disait « on va s'expliquer », c'est bien derrière l'église, on va s'expliquer. Et puis il y en a un des deux qui a raison, forcément. Mais c'est le problème de la vérité. Et dans notre culture franco-française, je ne sais pas si vous avez déjà compris, mais à mon avis, il faudrait fermer les écoles. Ça, c'est la première chose à faire. Et, parce que déjà, à l'école, on apprend qu'il y a une vérité. Et c'est quelqu'un qui a la vérité. Quelqu'un qui sait, bon là, c'est le professeur, mais après c'est pas le professeur, après c'est le politicien, après c'est le médecin, après c'est l'expert, etc. Il y a toujours quelqu'un qui a la vérité. Et celui qui n'est pas expert, ben, il sait rien. Et il peut même pas se faire une idée. C'est pas la peine qu'il réfléchisse. Il saura jamais la vérité. Ça, c'est pas pour lui. Et en France, par exemple, il n'y a pas qu'à l'école. On n'a pas le droit à l'erreur. Si on dit quelque chose qu'on se trompe, c'est la catastrophe. D'ailleurs, t'es un con, tu comprends rien, t'es un imbécile, tu sauras jamais rien, etc. Alors que dans pratiquement tous les autres pays, c'est oui, tu t'es trompé, bon ben essaye de réfléchir, essaye de trouver d'autres réponses. Et dans le tas, il y en a peut-être une qui sera la bonne, ou une des bonnes, ou il y en a plusieurs qui seront bonnes. Et c'est terrible pour un enfant d'avoir trouvé une réponse qui sait qu'elle est bonne, et qui plus il va grandir, plus il saura qu'elle est bonne, et on lui dit non, tu n'as pas le droit d'avoir cette vérité là, c'est pas la bonne. Alors pour les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle le format en fait de l'intervention. Alors tout le monde peut se rapprocher, je vous invite à vous rapprocher, à vous asseoir. En fait, on a une boîte à questions où donc une question est posée Et il n'y a pas d'intervenant principal, c'est-à-dire que tout le monde ici peut donner son avis, peut poser d'autres questions, voilà, peut s'exprimer. Donc en fait, voilà, il n'y a pas d'intervenant. Chacun, s'il souhaite prendre la parole, peut le faire. Et donc je rappelle la question pour l'instant, c'était expliquer, est-ce garder le pouvoir ? Voilà. Bonjour, pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Je dirais, je rajouterais simplement que, en se trompant, on trouve la vérité. Donc, c'est une bonne chose. Les erreurs sont une bonne chose, au contraire. Les gens qui commettent jamais d'erreurs, s'éloignent de la vérité, en fait, et de l'humilité. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait faire une intervention, s'exprimer ? Personne ? Enfin, simplement, pour moi, expliquer, c'est pas forcément lié. Là, c'est marrant, on a tout de suite rebondi, entre autres, sur la question du savoir. Celui qui expliquerait, ce serait forcément lié à un savoir, une connaissance. Mais pour moi, on peut expliquer quelque chose tout à fait en dehors de la vérité. Par exemple, moi, je peux vous expliquer pourquoi je pense que, les arbres, en fait, ils n'existent pas, des trucs comme ça. Enfin, c'est pas forcément lié à la question de la vérité ou du savoir au sens intellectuel du terme, mais plutôt du savoir au sens très très large du terme, on va dire, connaissance de tout et n'importe quoi. Pour moi, expliquer, ça pourrait être en lien avec le pouvoir si quelqu'un ou si ça s'adresse à quelqu'un ou à un groupe qui peut écouter, en fait. Si on explique tout seul, par exemple, comme Vasse le fait, pour l'exemple qui a été donné, c'est pas vraiment très intéressant. Si on explique et qu'il y a une écoute en face et qu'il y a quelque chose comme ça qui peut circuler, qui peut s'accaparer des deux côtés, là, je pense qu'on s'approche plus, effectivement, d'un certain pouvoir. Quelqu'un veut intervenir ? Alors, si personne ne souhaite réagir à cette question, on peut donc passer à une prochaine question. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir encore sur cette question ? Personne. Est-ce que quelqu'un veut tirer une question au hasard dans la boîte à questions ? C'est peut-être un peu long, ça. Tu veux en prendre une autre ? Ouais. Allô. Oui. Donc le patriarcat, ça. Comme ça. Donc le patriarcat, sa constitution, son lien avec l'État, l'importance d'en sortir, prédateur économique et prédateur sexuel, même combat. Alors je vais répéter la question. Pardon. Donc le patriarcat, sa constitution, son lien avec l'État. L'importance d'en sortir, prédateur économique et prédateur sexuel, même combat. Est-ce que vous voulez traiter cette question ou pas ? Oui ? Tu veux intervenir peut-être par rapport à ça ? Quelqu'un d'autre ? D'accord. Personne ? Oui, oui, je sais pas trop sur quoi lancer le truc, mais je trouve que c'est une question quand même importante à traiter, enfin, en tout cas, sauf si les gens ont envie de passer à autre chose. Mais est-ce que je trouve intéressant dans la question, c'est justement la fin, voilà, prédateur économique et sexuel, même combat. Et moi, j'ai du mal à penser. Alors, je sais pas si patriarcat et domination masculine sont la même chose, en fait. Du coup, la question, pour moi, elle parle plus de domination masculine. Est-ce que c'est la même chose que le patriarcat? Pas dans mon esprit, en tout cas, mais peut-être que pour d'autres, si. Et voilà, comme je ne connais pas beaucoup d'autres choses sur la question, peut-être que d'autres personnes peuvent... Je pense personnellement qu'aujourd'hui, pour être déterminé, on va dire, en politique, dans le pouvoir ou quoi que ce soit sur le peuple, il faut être très déterminé et avoir un côté un peu prédateur. Et je pense que le côté pouvoir, enfin pouvoir au niveau de ses intérêts profonds et devenir un prédateur est un peu la même chose. Être un prédateur et vouloir absolument, obtenir le pouvoir par tous les moyens. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand on veut l'obtenir par tous les moyens, il n'y a plus de... les limites s'effacent, on va dire. Je pense que l'État est à la fois patriarcat et matriarcat. Matriarcat parce que nous permet d'avoir une bonne protection, une sécurité, et même avec le revenu universel. On est vraiment, enfin en France en tout cas, par rapport à d'autres pays. Donc il y a quand même des choses qui sont garanties aux Français. Patriarcat aussi, parce que au niveau de la loi, au niveau l'État n'arrête pas de légiférer. Et il y a même eu la tentative de faire une morale laïque. Donc je pense que, disons que des choses qui étaient pas avant privées deviennent publiques. Et donc la société change un peu dans ce contexte-là. Donc on voit la place des parents ne sont plus les mêmes, la famille c'est plus la même place, la communauté aussi c'est plus pareil, et on a une centralisation dans le public au niveau de l'État, du gouvernement, un peu tout ce qui était, même l'éducation nationale aussi, c'est aussi ça en fait partie. Donc il y a une société qui a changé. Donc quand on parle de patriarcat, de nos jours, enfin en tout cas en Occident, c'est plus comme avant, c'est plus la même image qu'avant. Et on retrouve beaucoup de choses qui étaient dans le privé, maintenant dans le public. Et quand vous parlez dans l'éducation nationale, est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Bah justement, le monsieur disait qu'il fallait pas tout expliquer aux enfants. On voit que de nos jours, par exemple, la sexualité doit être expliquée aux enfants à l'école, alors qu'avant c'était dans la famille. Et c'est ça, de plus en plus, on a un peu l'éducation nationale, c'est vraiment l'éducation des enfants, et les parents ont un tout autre rôle de nos jours. Voilà. Quelqu'un veut répondre ? Non, personne. Est-ce que vous voulez qu'on continue à traiter cette question ou est-ce qu'on trouve une autre question ? Bon. La meilleure manière de parler d'un problème, c'est quand on n'y connaît rien. Hein. Mais bon, moi, je pense qu'il y a quand même une grande différence. Hein. Le patriarcat, c'est un exercice solitaire. C'est, de toute façon, on est en train de parler de pouvoir. Là. Et le patriarcat, ça a toujours été un exercice solitaire. Alors que le pouvoir actuellement se partage, je dirais, fait semblant de se partager. Je prends le pouvoir dans l'entreprise. Dans le temps, il y avait un Michelin où il y avait un maître des forges, etc. C'était le bon Dieu. Hein. Aujourd'hui, le type qui est le messier ou je ne sais pas qui est un chef d'entreprise, il a 5% des actions. Et c'est lui le patron, pareil. Hein. Donc c'est des questions de pouvoir et de stratégie. Moi, je n'en fais pas un aspect philosophique. C'est qu'il y a des gens qui aiment le pouvoir et qui prennent les moyens pour l'exercer. Et puis, il y a, je dirais, le patriarcat. C'est un petit peu... La société s'est organisée comme ça. On se pose même plus de questions. Le vieux, c'est le chef. Vous voulez intervenir, madame ? Quelqu'un veut répondre à ça ? Le vieux, c'est le chef ? En fait, je pense que vous posez bien le problème. Et si on veut changer de constitution, il y a un lien. Actuellement, cette constitution favorise, l'instinct de domination qui est dans la nature animale, hein. Elle est, c'est partout, et donc elle est aussi chez l'homme. Donc certains ont énormément de mal à contrôler cet instinct de domination. Ça se voit en particulier chez nos hommes politiques quand ils arrivent au niveau le plus haut. Et on a la constitution de 58, où en fait on valorise une personne, et ensuite le pouvoir descend. Mais c'est lui qui décide, c'est lui qui nomme le gouvernement. Le gouvernement doit bien suivre ce que cet homme propose. Moi, je pense qu'une constitution devrait limiter les défauts de notre nature et favoriser nos qualités. Et donc, entre autres, pouvoir limiter cet instinct de domination qui est en nous, donc avec des contre-pouvoirs. Dans la Constitution de 58, ce président, en fait, il est tout seul. Ce n'est qu'un être humain, comme n'importe qui d'entre nous. Et en fait, c'est un pouvoir d'une fragilité incroyable. La finance peut totalement s'accaparer de cette personne. Pour moi, le contre-pouvoir, la manière de résoudre ce problème d'instinct de domination, nous sommes chacun le miroir de l'autre. En fait, c'est l'autre qui peut aider. Quand on arrive tout en haut et qu'on n'a que des gens pour faire des compliments, dire oh, t'es le meilleur, t'es le plus haut, beau, comme ton raisonnement est superbe, en fait, le contre-pouvoir, ça devrait être le peuple. Donc trouver une constitution qui fasse intervenir comme contre-pouvoir le peuple, qui est le seul à pouvoir s'opposer à la finance. Et donc, bon, je vois qu'en Suisse, par exemple, où ils ont introduit une constitution qui date de plus de 150 ans, où ils ont le référendum d'initiative populaire et le référendum abrogatif, c'est une manière d'intervenir sur l'homme politique. Parce que le représentant, quand il voit dans son bureau un financier, le lobby, qui vient dans le secret de son bureau, il peut dire « Mais là, si ce que tu me proposes, je suis sûr que ça va soulever dans la société une initiative et ça ne va pas passer. » Donc l'homme politique, là, dans ce cas-là, il a les moyens de résister au lobby. Voilà, j'ai vu, par exemple, dans la Constitution suisse, des possibilités intéressantes. Comme, par exemple, il est impossible de modifier la Constitution sans passer obligatoirement par un référendum. Le peuple doit pouvoir intervenir. Tandis que, sous la Constitution de 58, nos parlementaires, nos hommes politiques peuvent bricoler notre Constitution sans qu'on ait notre mot à dire. Voilà. Et pour moi, derrière tout ça, il y a l'instinct de domination. Et bien sûr qu'il y a aussi la sexualité. C'est le rapport, mais il est évident. Mais c'est dans notre instinct de vie. Et donc ça, c'est est-ce qu'on est prêt à travailler, à réfléchir sur cet instinct? Il y a beaucoup de choses, d'activités qu'on fait. Mais ça, par contre, ça, s'intéresser à notre psyché, c'est pas réellement ce qui nous est proposé. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait proposer une réponse à ce monsieur? Personne. Alors on peut peut-être passer à une prochaine question si on a encore le temps. Alors, un projet professionnel est-il un projet de vie? Je vous rappelle que tout le monde peut prendre la parole, intervenir et dire ce qu'il souhaite. Voilà, il n'y a pas d'intervenant principal. C'est un débat entre nous tous. Voilà. Donc je répète, un projet professionnel est-il un projet de vie? Voilà, est-ce que quelqu'un voudrait répondre à cette question? Je pense que les projets professionnels aujourd'hui c'est très important parce que en fait on est dépendant de l'argent et pour qui dit professionnel dit profession, dit travail, dit argent pour pouvoir vivre, donc c'est un minimum. Mais après je pense qu'il faut réussir à mettre dans la tête des gens que l'argent c'est pas la priorité quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est pas ce qu'on a dans la tête, tous. Ouais, c'est ça, enfin, je suis assez d'accord, c'est juste pour dire, je pense qu'on a tous un projet de vie, chacun, personnel, et après, dans le système d'aujourd'hui, en fait, ça passe très très souvent par un projet professionnel, en fait, tout simplement. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Après, si on peut avoir son projet de vie sans passer par un projet professionnel, si quelqu'un a la réponse, qu'il me la donne tout de suite. Il y en a qui n'ont pas besoin de travailler pour vivre, mais c'est pas le cas de tout le monde. Non, moi je voulais rebondir dans le sens où il y a un autre aspect dans la question, un projet de vie peut-il être un projet professionnel? J'ai envie de l'inverser, c'est-à-dire un projet professionnel peut-il être un projet de vie? Et là je me dis, vu l'orientation actuelle de l'économie du travail, je vais appeler ça comme ça, où on cherche à ce que les personnes qui arrivent sur le marché du travail répondent à une demande, ça ne peut pas du tout, du coup, rentrer dans l'idée qu'on fait un projet professionnel comme un projet de vie. Ou alors, du coup, le projet de vie, ce serait de répondre à la demande sociale. Bon, je ne sais pas si beaucoup ont un projet de vie tel quel, personnellement pas. Mais voilà, ça pose la question quelle manne on a de création ou de choix personnel sur ce qu'on va faire professionnellement. En quoi ça dépend aussi de ce qui existe déjà et ce qui va nous être proposé par les autres. Et c'est là où justement il y a cette espèce, il y a une sorte de tension, on pourrait dire, entre le projet de vie qui pourrait être associé au projet professionnel et le projet professionnel réel qui va pouvoir se faire en fonction de ce qui est proposé, par la société. Là où le projet professionnel pourrait être un projet de vie et vraiment de l'ordre d'une création, ce serait d'inventer par exemple sa propre profession. Mais là, faut avoir peut-être un petit peu de fond d'avance et puis être assez doué quand même. Je pense aussi que ce qui est important peut-être de rappeler, c'est que tout dépend aussi du projet professionnel. Parce que si on a... je considère qu'il existe beaucoup de travail dit aliénant. Très difficile, pas du tout intéressant, qui souvent sont faits par des personnes qui sont tout à fait intelligentes mais pourraient certainement faire un métier dit plus intellectuel, mais qui par certaines circonstances de la vie se retrouvent dans des boulots qui sont vraiment pas faciles. Et donc là, quand on a un travail donc aliénant et pas intéressant, et c'est le cas pour vraiment énormément de personnes, je pense pas du tout que ça peut être un projet de vie. Et on voit bien que souvent ces gens-là séparent totalement le travail le non-travail, c'est-à-dire une fois que j'ai terminé de travailler, je reprends ma vie et voilà, ça n'a rien à voir. Alors qu'il y a des gens qui ont un projet professionnel et effectivement, si c'est leur projet de vie, peut-être on peut penser à des artistes par exemple. Après, bon, il y a des gens qui ont énormément d'ambition aussi. Voilà, on parlait du pouvoir. Donc, s'ils veulent le pouvoir, oui, ils peuvent être carriéristes. Et effectivement, ça peut devenir leur projet de vie, pourquoi pas. Donc voilà, je pense que ça dépend vraiment du projet professionnel. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Moi, j'ai lu qu'à cause de la robotisation, la moitié de l'humanité deviendra inactive. Donc, c'est bien le moment de parler de projet professionnel. Bon, dans quel domaine après? Voilà, il faudrait inventer sa vie, quoi. Enfin, vraiment. Moi, la question, je ne comprends pas, en fait. Je me dis quoi? La vie est le projet professionnel, et à pas. Et la vie aussi, et à pas. Parce que la définition de la vie, c'est quoi? C'est la période entre la naissance jusqu'à la mort. Donc le projet professionnel fait partie de ce temps-là. Voilà. Donc Il faut savoir faire la différence. C'est ce qui fait que je ne comprends pas en fait la question. Peut-être qu'on pourrait l'expliquer par est-ce que le travail définit l'existence humaine ? Voilà. Est-ce qu'on peut se définir qui êtes-vous ? Bah, moi, je suis ingénieur. Ou moi, je suis... Souvent, c'est ça, hein, quand on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, c'est salut, vous faites quoi ? C'est pas. Alors, on va répondre je suis étudiant, je travaille, nanana. C'est pas forcément vous faites quoi ? Bah, je sais pas, je suis un être humain, j'aime bien la peinture. Voilà. Donc, souvent, le travail, c'est ce qui. Oui, c'est ce qui nous définit. Dans notre société, quoi, vraiment, avec différents niveaux sociaux. Voilà, je pense que on parle de classe sociale. Je pense que c'est totalement d'actualité. Le projet professionnel fait partie de la vie. Oui, mais est-ce qu'il définit la vie ? Est-ce que seulement le projet professionnel ? Est-ce que le travail, c'est vraiment ce qui vous définit ? Est-ce que c'est la chose la plus importante dans votre vie, dans la vie ? C'est la société qui vous définit comme la vie derrière. Là. C'est la société qui vous définit. Non, mais je veux juste dire ça. Oui, c'est, bonsoir, bonjour. C'est la société qui nous définit en termes de métier, de profession, etc. Bon, moi, quand on me demande qu'est-ce que vous faites, je dis je suis retraitée. Alors, mais retraitée de quoi ? Bah, retraitée. Je vis de mes rentes parce que j'ai cotisé à la sécurité sociale, chose merveilleuse qui nous est arrivée en 1945 grâce à Ambroise Croizat qui était quand même un ministre qui voyait l'avenir. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bernard Friot, par exemple, qui parle du salaire à vie. Bah, tu vas peut-être en parler mieux que moi. Hein, mais Bernard Friot qui s'est rendu compte que ce qu'on avait fait en 45 avec, alors que la France et l'Europe étaient complètement détruites et qu'il n'y avait plus rien, il fallait tout reconstruire. La sécurité sociale a donc été mise... je suis partie de ma retraite, hein, c'est pour ça que je vous explique la sécurité sociale, ce qui est important, bon, et qu'effectivement tout le monde devrait cotiser à la sécurité sociale, y compris le patronat, le grand patronat qui s'exonère régulièrement de comment ? Vous voulez prendre ? Oui. Non, c'est valide, ce que vous dites. Qui s'exonère de payer les cotisations, et les cotisations, c'est ce qui me permet aujourd'hui de vivre libre avec des activités, car le travail, c'est pas forcément le travail, c'est lié au salaire, mais c'est surtout une activité. Bon, les retraités ont de nombreuses activités non rémunérées, et c'est très bien comme ça, puisqu'on a une pension. Voilà. Donc, lisez Bernard Friot, allez voir sur son site, parce qu'il a écrit, il a fait beaucoup de petites vidéos, et je ne suis pas payée par lui, hein. Mais c'est quelqu'un qui repense le salaire en fonction de la société dans laquelle on est. Voilà. Merci. Oui, donc juste pour dire, ouais, effectivement, Bernard Friot, je ne vais pas l'expliquer parce que. Il explique beaucoup mieux que moi, beaucoup mieux que nous en fait, puis avec des économistes d'ailleurs, donc je vous invite effectivement à aller voir ses travaux. Comment en fait on peut, comment on nous a bien eu, hein, comme quoi on est obligé d'avoir un travail pour avoir un salaire, et en fait il y a beaucoup de systèmes où on peut faire différemment, mais bon, ça je vais pas le faire, c'est pas du tout mon domaine. Et pour le projet de vie, effectivement, je suis d'accord, de toute façon, c'est pas pour rien que la question a été posée, je pense. C'est clairement la société qui nous impose à nous faire croire que notre seul projet de vie est un projet professionnel. De toute façon, à 14 ans, on nous demande déjà ce qu'on veut faire. Moi, personnellement, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Aujourd'hui encore, je sais pratiquement pas ce que je vais faire de ma vie. Donc, à 14 ans, vous imaginez, voilà, je sais pas combien on était à savoir ce qu'on voulait faire. Ceux qui le savaient, tant mieux. Mais clairement, donc, c'est la société qui nous impose ça. Donc la question elle n'est pas posée au hasard. Enfin voilà, pour moi c'est ça. Là on met le doigt dessus quoi. Il y avait le monsieur en premier. Bonjour. Pardon. Bonjour. La question est cruciale parce que vous avez bien dit que est-ce que le travail défini. Vous l'avez dit exactement. C'est notre existence. Et le problème, il est là parce que tous ne sont pas pareils, tous n'avons pas les médications, tous ne sont pas dans le même milieu, tous n'avons pas la chance d'avoir, comment dirais-je, une éducation, je veux dire, pas complète, parce que rien n'est absolu en soi en ce qui concerne l'éducation et tout relatif et tout à conquérir et à reconquérir. Mais pour aller au fond de la question, je dirais, c'est une question de passion. Est-ce que tout le monde a la possibilité d'avoir des passions différentes et variées dans le temps et dans l'espace? C'est-à-dire le voyage, c'est-à-dire la lecture, c'est-à-dire la découverte du monde, c'est-à-dire en tout cas apprendre à vivre autre chose qui permet d'avoir une certaine autonomie personnelle, une certaine indépendance. Vous avez parlé, madame, de la sécurité sociale, c'est une question d'être tributaire à l'État. Bien sûr, il faut cotiser, quand on travaille, il faut payer pour être quitte par rapport au système social. Mais je dirais... Et c'est tout dépend du milieu dans lequel on est, tout dépend la famille, tout dépend l'éducation, tout dépend la volonté de chacun, quoi. Et ça dépend de beaucoup de choses. Et là, je finirai pour dire que on n'a pas la chance en France, malheureusement. Il y en a certains qui ont la chance d'avoir plusieurs possibilités de s'épanouir, avoir une existence. Vous l'avez dit, je prends le terme, parce que c'est un terme quand même, qui est très fort, qui ont une existence, on va dire, comblée. Ils ont une certaine autonomie, et une autonomie, une liberté intellectuelle qui n'est pas donnée à tout le monde. Au 18e siècle, au 19e siècle, vous savez, on touchait à tout, c'est-à-dire dans certains milieux on avait une certaine capacité de connaître beaucoup de choses. Au 19e et au début du 20e siècle, les choses commencent à se spécialiser. Et le déclin de l'éducation, il est commencé là, quand les choses commencent à se spécialiser. On ne peut pas être spécialisé en tout et tout le temps. Donc pour finir, je dirais, au-delà de la question projet professionnel ou projet de vie, je dirais, est-ce que le projet, il est bon? C'est-à-dire, est-ce qu'un projet est réussi dans notre vie, dans notre existence ou pas? Et ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la volonté, ça dépend de la détermination de chacun, et ça dépend du goût de savoir, de connaître et de connaissance, etc. Merci. Oui, moi, il y a un mot que je suis arrivée un petit peu en cours de route. Projet de vie, ça me parle parce que justement, je suis revenue il y a 3 ans avec un projet de vie. Mais il y a un mot que j'entends pas et c'est toi qui m'y as fait penser. C'est pas la faute de la société. Je pense que si on pensait être humain, notre langage serait vraiment complètement différent et on dirait pas c'est la faute d'eux. Et chacun se responsabiliserait en fait et refuserait de dire non, on n'a pas le droit, c'est compliqué, c'est difficile, on est obligé de travailler. Il y a plein de gens qui sont en souffrance en effet parce qu'ils sont dans des milieux professionnels qui leur correspondent pas et pour le coup ils mettent leur projet de vie ailleurs, ils construisent des familles, des enfants, tout ça. Mais par contre il reste des personnes qui sont vraiment en envie de se lever le matin avec l'envie de travailler. Et donc là, il faut arrêter de se déresponsabiliser en disant c'est la faute de la société, c'est la faute du système. Moi, je m'y confronte. Depuis 3 ans, j'essaye de monter mon truc, c'est une vraie galère. Je propose le changement individuel et professionnel. Et en tout cas, je voudrais commencer à mettre comme salarié avant de monter ma boîte. Et on me dit non, on me dit non, on me dit non. Mais en fait, le problème, c'est que toute la culture pose son discours sur des mots qui font qu'on se déresponsabilise complètement. Mon métier d'accompagner les personnes, ça change complètement le langage parce que ça change complètement l'état d'esprit. Et en fait, si on essaye de focaliser, j'aime beaucoup le fait que vous ayez dit voyager, l'être humain, la diversité, ça crée vraiment un espace de possibilités dans l'esprit qui est phénoménal et qui nous permettront d'arrêter de dire c'est la faute du système. Le système dans lequel on est enferme terriblement. Moi, mon métier, c'est me battre contre ça. Donc je suis complètement d'accord avec ça. Mais par contre, il existe vraiment des moyens et des possibilités d'arrêter de dire c'est la faute d'eux. Moi, j'adorerais, je me suis confrontée souvent à proposer à des gens de changer parce qu'ils avaient besoin de changer et que je leur proposais quelque chose de concret. Il y a beaucoup de peur et il y a beaucoup d'enfermements qui sont liés à la culture et qui sont liés au système. Donc c'est une vraie réalité. Mais il faut essayer de penser être humain, je pense. Diversité, voyage, de quoi j'ai vraiment besoin, qu'est-ce que j'aime vraiment, se regarder en face, se confronter à ses peurs et dire ouais je veux changer et ouais c'est pas la faute d'eux, donc qu'est-ce que je vais mettre en place pour, et quand il y a des gens ou des systèmes ou comme ici Nuit Debout qui proposent d'aider, ouais on dit oui on y va quoi et on arrête de dire c'est la faute du système. Oui, mais je voulais revenir un petit peu du coup sur la question projet de vie et projet professionnel. C'est l'intervention de la dame qui m'a fait penser à ça. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, on lui demande comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et c'est la première question après la nomination, quoi. Comme si c'était la première façon dont on va poser quelque chose, une catégorie sur l'autre. Enfin, en tout cas, je sais pas comment dire, le premier abord de l'autre après premier jugement, peut-être. Enfin, en tout cas, le premier moyen d'aborder aussi une conversation. Et c'est très intéressant parce que justement ici à Nuit Debout, on a eu l'expérience de d'arriver et de discuter avec quelqu'un du sujet qui est en train d'être discuté, par exemple en AG, ou de parler d'un sujet parce que la loi travail, par exemple, de parler de la loi travail. Et puis au bout de quelques temps, finalement, quand on commence à connaître la personne, même des fois ça peut durer des semaines, où on a beaucoup discuté avec elle de plein d'autres sujets depuis, et puis là on se dit, mais en fait, je ne sais pas ce que tu fais. Et on lui pose la question, qu'est-ce que tu fais? Et il répond, en fait, quoi qu'il nous dise de ce qu'il fait, ça ne changera rien par rapport à tout ce qu'on a déjà connu de cette personne-là. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'énorme. On se rend pas compte. Enfin, là, il n'y a plus le poids du travail, d'une certaine façon. Mais autrement, il est énorme. Il est assez vraiment fort. Voilà. Ce que vous dites, vous voyez, je suis d'accord avec vous, mais pas tellement. Je pense que on va prendre la RATP, la SNCF, les hôpitaux, les maisons de repos, tout ça. On n'aurait dû jamais reculer la retraite comme c'est fait. Admettons, madame, vous avez un enfant ou une fille qui vous dirait « je veux aller à la fac ». Vous, vous êtes fière. Elle va payer la fac. Vous allez payer la fac et tout. Elle va avoir un bac 3 ou un bac 4, elle ne trouvera même pas du travail. Comme je dis, c'est dans tout le monde, il faudrait qu'il y ait une révolte, qu'on ne recule pas la retraite comme ils ont fait, parce que ça bouche le travail aux jeunes. Et ça, c'est énorme. Quand on voit à l'heure actuelle des jeunes qui ont 19 ans, 20 ans et qui ne trouvent même pas de travail, hein, et que le père, mettons, il a la retraite, il a une retraite moyenne, ça fait une bouche de plus à nourrir. Moi, je dis que dans toute l'Europe qu'il y a à l'heure actuelle, il faudrait que ça manifeste contre ça. Parce qu'ils ont parlé que même ils allaient reculer la retraite jusqu'à 67 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui. Non, en fait, très bien. Mais non, mais vous avez évoqué le sujet de la retraite. On peut très bien en discuter aussi. C'est juste que c'était peut-être pas forcément le sujet, mais ça peut d'une certaine façon l'être. Par exemple, on pourrait poser la question. La dame tout à l'heure disait qu'elle était retraitée. Voilà. Après tout, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être en retraite. Peut-être qu'il y a, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des gens qui. Non, mais c'est une question à poser. Il y a des gens peut-être qui ont besoin de travailler. Il y a des gens qui travaillent peut-être toute leur vie. Enfin, voilà. Ça dépend. Bien sûr, si on est dans un travail physique très compliqué, c'est clair qu'à 60 ans, on est complètement cassé. On peut pas continuer. C'est sûr. Après, il y a peut-être des gens dans certaines professions, et d'ailleurs, je pense que ça existe, qui travaillent jusqu'à la fin, quoi. Mais donc voilà. Par contre, bien sûr, la retraite, la dame disait avec la sécurité sociale, c'est quelque chose de très très bien, et on a la chance en France d'avoir un système comme ça, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et vous, je comprends ce que vous dites. Vous parlez que justement, en ce moment, on est dans une période de recul. Voilà, on est en train de vouloir mettre la retraite plus tard. Voilà. Donc voilà, ça revient aussi avec la question de on vit plus longtemps, donc est-ce qu'on devrait travailler plus longtemps? Et on pourrait dire on vit plus longtemps, donc c'est super. Bah alors justement, on devrait avoir une plus longue retraite pour pouvoir plus en profiter. Après, il y a la question du financement, enfin voilà, donc ça c'est d'autres sujets. Il y a aussi beaucoup de retraités pauvres qui cherchent du travail, hein, j'en ai connu, qui veulent travailler. Hein, des gens, par exemple, oui, parce que c'est une obligation. C'est pas pour le plaisir, mais c'est vraiment une obligation. Parce qu'il y a des toutes petites retraites, et les gens n'ont pas la possibilité de vivre avec ce qu'on leur donne. Hein. Et il y a un autre problème, comme je dis, bon, on parle beaucoup de loisirs et autres, la valeur du travail, mais justement, c'est en économie, bon, il y a des économistes qui parlent de gens inutiles. Aussi, c'est parce que bon, il y a des emplois qu'on peut supprimer. On pourrait supprimer beaucoup plus de postes qu'actuellement. Hein. Il suffirait d'informatiser autrement un service et on supprime plein de postes. C'est pas fait. Il y a des gens qui ont des CDI, qui ont tous leurs droits, mais qui au fond, on les laisse travailler. Ils sont pas vraiment utiles à la boîte. C'est comme ça. Et il y a voilà. Et donc c'est vraiment, il faut pouvoir se définir autrement, c'est vrai, que simplement par le fait d'être salarié. C'est ça le problème, c'est de savoir pas simplement c'est pas l'emploi, mais c'est comment, c'est quand, dans quel statut, qu'est-ce qu'on fait, comment et le savoir-faire, le savoir-être au travail. Qui peut se aussi, on peut ne pas, il y en a qui partent par exemple en province, on peut dire qu'ils subviennent à leurs besoins en travaillant leur petit lopin de terre, en construisant eux-mêmes leur maison et tout ça. Et on peut considérer qu'ils se créent un revenu, qu'ils travaillent, qu'ils font, mais sans être salariés. Donc il y a beaucoup de gens qui sont il y a un problème aussi actuellement, c'est tous les travailleurs non salariés. Quel statut ils doivent avoir, quelle protection sociale et tout, voilà. Alors on va bientôt conclure parce qu'on va passer à une autre intervention. Je voulais juste vous annoncer qu'on a une caisse, une tirelire en fait, qu'on va faire tourner, voilà. Donc si vous voulez donner un euro ou même moins ou plus, voilà, parce que ça permet de financer notamment la sono, les micros, enfin voilà. Donc la caisse va passer et voilà, vous êtes libre de donner bien sûr ou pas. Donc on peut faire encore une dernière intervention, voilà. Il y a le monsieur, vous, rapidement, et on conclut, et ensuite on passe donc à la prochaine intervention. Bonjour. Moi, j'aimais bien l'intervention de la dame. Je trouve que c'était assez pertinent. En fait, c'est quand tu as parlé de robotisation, c'est vrai. On développe on fait beaucoup d'efforts pour créer des nouvelles boîtes, ce qu'on appelle des start-up, qui vont se passer le plus possible des gens. Et ce que je dis, c'est profond. C'est-à-dire que c'est pas uniquement on va prendre quelque chose qui existe déjà et on va l'optimiser. C'est pas ça. C'est qu'on pense dès le départ à faire une machine qui marche en se passant le plus possible des humains. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des boîtes comme Google, par exemple, qui sont des premières capitalisations du monde, qui génèrent un fric fou et qui n'ont que, entre guillemets, que 50 000 employés. C'est-à-dire que c'est un nain quand on compare aux sociétés qui font autant d'argent en termes de nombre de personnes. Donc je pense que la grande tendance du futur, et ça va commencer dans les 5 prochaines années, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers qu'on connaît aujourd'hui vont disparaître, de la même manière que beaucoup de jobs ouvriers ont disparu dans les années 50, parce qu'on a dit, bah voilà, tu rigoles, mais la machine, là, fait mieux ton travail que toi, elle en fait plus, elle est moins payée, elle n'a pas de syndicat, etc., pas de retraite, etc. Et bien il va se passer la même chose, par exemple, pour les call centers. Les call centers, on sait déjà, c'est assez impressionnant, mais on arrive déjà à comprendre le langage humain. Donc une machine, on peut parler comme ça, comme moi je vous parle. Et la machine comprendra ce qu'on nous dit, dans 90% des cas, pas toujours. Mais dans 90% des cas, elle va pouvoir répondre précisément à votre question. Et ça, qu'il n'y ait qu'un appel au moment ou 100 000 appels au même moment. Donc, il y a un certain nombre d'emplois, comme en particulier les call centers, qui vont disparaître. Et c'est pas tout. Il y en a plein d'autres. Même des boulots qui sont plus qualifiés. Donc, je pense que le futur, il faut qu'on se prépare, d'une façon ou d'une autre, à faire face à cette révolution qui est la place de l'homme et son travail. Et je pense que, quelle que soit la façon dont on aborde la chose, il faut ne pas se voiler la face. Ça va être douloureux. Il va y avoir des choses qui vont se passer, qui vont faire qu'aujourd'hui, on a peut-être plus d'avantages sociaux que demain. Peut-être que la solution, c'est d'être plus modeste aussi. Peut-être qu'on n'a pas tous besoin de partir au bout du monde une semaine pour partir en vacances. On n'a peut-être pas besoin de changer d'iPhone tous les mois, tous les ans, etc. Je pense que peut-être... Je pense que la retraite va effectivement doit être reculée, parce que c'est comme ça. On n'a pas trop le choix. Et peut-être le boulot devra s'adapter. Peut-être que, enfin voilà. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer, et que de penser que les choses vont changer pour le mieux, dans tous les cas, je pense pas que c'est vrai. Donc il faut se préparer à ça. Alors, excusez-moi, il reste très peu de temps. Il y a une dernière question. Il y a une dernière intervention du monsieur qui m'avait demandé. Après, je suis désolé, on n'a plus de temps. Si vous voulez continuer, vous pouvez bien sûr le faire en dehors. Voilà. Merci beaucoup. Souvent, il y a un piège derrière le mot travail. C'est que tout le monde pense au travail salarié. Hein, c'est la première chose. Derrière ce travail salarié se cache la soumission. Et en fait, quand on pose la question à quelqu'un, c'est presque une injonction. Qu'est-ce que vous faites? Et en gros, il y a aussi la question derrière, et qui est posée aux États-Unis, c'est combien tu gagnes? En fait, c'est plutôt ça. Mais c'est de la soumission derrière. Tu évoquais des artistes qui, eux, pourraient avoir une vie à eux. Mais en réalité, ils dépendent des subventions de l'État. En fait, c'est bien encore l'État qui soumet subventions de la région, etc. Le journaliste, a priori, c'est une belle profession. Il se retrouve, lui, aussi soumis à son employeur, en particulier financier. Aussi, une solution pour sortir de la soumission, c'est effectivement le revenu de base. C'est une solution, ou le salaire à vie de Bernard Friot, ce genre de choses. Car là, alors, il n'y a plus besoin des subventions de l'État. L'artiste peut mener sa vie. Le journaliste peut s'associer avec d'autres pour créer son journal. Et on sort de la domination de la finance. Voilà. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on va passer... Alors, attendez. Excusez-moi, peut-être, est-ce que vous pouvez peut-être vous décaler un tout petit peu parce qu'il y avait une nouvelle intervention. C'est dommage qu'on ait arrêté. Ah oui, monsieur, mais là, on n'a pas le temps. Tout à fait. Comment ? Bah parce qu'il y a un autre intervenant en fait qui est programmé. Donc si vous voulez faire une intervention, monsieur, vous pouvez vous inscrire. Quand vous voulez, vous venez. Il y a plein de disponibilités. Tout à fait, oui. Non, mais ça fait déjà 40 minutes qu'on en parle en fait. Donc voilà. Alors, tu veux faire la présentation ? Du coup, on va passer au sujet suivant. Donc, on continue à vous dire que n'hésitez pas à venir nous aider, à venir vers nous. Voilà, vous pouvez dire ce que vous avez à dire. Vous pouvez nous aider aussi à installer, gérer les débats. Voilà, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à venir. Et là, on va passer au sujet suivant. Le sujet suivant, ce sera Jérôme, ici présent, qui viendra vous parler de son expérience du zapatisme. Donc voilà, je lui laisse la parole.